Les enfants des souterrains. Marcheurs habitants de cavernes, dis-moi de quelle noix est faite la nuit blême aux lumières des mémoires. Ces enfants des souterrains qui palpitent de cœur en cœur, le moins incertain de leur tendre douleur, né d'un criminel espoir, qu'à la lueur du temps, de ne faire de leur regard de tristes hommes. C'est une balade qui abîme le sourire de l'ennui aux vagues d'un vallon de belle poésie, de corps en ses tourelles, de mortueux respect, sonate pour soi-même, est le monde innommable. Et le tombeau guéri des nuages dragons qui soufflent à l'horizon. Marcheurs, habitants de cavernes, dis-moi de quelle noix est faite la nuit blême aux lumières des mémoires.